Section 22 de Compilation de pensées, textes et poésies de François-René de Chateaubriand. Cet enregistrement de LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johann. Nous verrons. Paris, 1810. Le passé n'est rien dans la vie, et le présent est moins encore. C'est à l'avenir qu'on se fie, pour nous donner joie et trésor. Tout mortel, dans ses vœux, devance cet avenir où nous courons. Le bonheur est en espérance. On vit en disant « nous verrons ». Mais cet avenir plein de charme, qu'est-il lorsqu'il est arrivé? C'est le présent qui, de nos larmes, matin et soir est abreuvé. Aussitôt que s'ouvre la scène qu'avec ardeur nous désirons, on bâille, on la regarde à peine, on voit en disant « nous verrons ». Ce vieillard penche vers la terre, il touche à ses derniers instants. Y pense-t-il? Non, il espère vivre encore 70 ans. Un docteur, fort d'expérience, veut lui prouver que nous mourrons. Le vieillard rit de la sentence et meurt en disant « nous verrons ». Valère et Dami n'ont qu'une âme, c'est le modèle des amis. Valère, en un malheur, réclame la bourse et les soins de Dami. Je viens à vous, ami sincère, ou ce soir, au fond des prisons. Quoi, ce soir même? Oui, cher Valère, revenez demain, nous verrons. Gare, faites place au carrosse, où s'enfle l'orgueilleux manant, qui jadis conduisait deux rosses, à 30 sous pour le passant. Le peuple écrasé par la roue maudit l'enfant des porcherons. Moi, du prince, évitant la boue, je me range et dis « nous verrons ». « Nous verrons » est un mot magique qui sert dans tous les cas fâcheux. « Nous verrons » dit le politique. « Nous verrons » dit le malheureux. Les grands hommes de nos gazettes, les rois du jour, les fanfarons, les faux amis et les coquettes, tout cela vous dit « nous verrons ». Fin de la section 22.